Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais mes acolytes ne sont pas là. Mais bon, on va en profiter pour faire un petit épisode spécial sur les musiques de Sens Mort. Allez, je vous laisse avec Toto Dune. Une très très bonne introduction pour un scénario de Sens. Ça permet de remettre les joueurs dans l'ambiance et puis surtout de parler du scénario précédent, de résumer. Moi, franchement, c'est une musique que j'adore. C'est la musique du début de Dune. Bon, alors il y a tout, hein. Il y a vraiment tout de Sens dans les musiques de Brian Eno et de Toto. C'est assez incroyable. En fait, si on écoute bien, bon, il y a déjà une espèce de synthé complètement rétro, hein, ce qui rappelle le côté rétro-futuriste aussi de Sens. Puis bon, il y a aussi les chœurs, hein, qui font penser à tout ce qui est héroïque, philosophie, tout ça. Et puis c'est aussi une grande montée. Donc ça fait penser, bien sûr, aux successions de révélations qu'il y a dans Sens. Enfin, en tout cas, moi, cette musique, pour moi, maintenant, c'est réglé. Je l'écoute en écrivant, je l'écoute en maîtrisant, je l'écoute tout le temps. Donc maintenant, pour moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à Sens. Donc c'est pour ça que j'insiste bien souvent pour commencer, pour que les gens qui maîtrisent Sens essayent de commencer en fait à maîtriser sur cette musique là qui est vraiment pour moi la musique typique sensienne à fond. Alors ça vient de Newgrounds Audio Portal. C'est une musique de Crimson Wolves. C'est des remixes de Metroid qu'on utilise aussi pour Sens Mort. Metroid 3, c'est vraiment la base des remixes de Sens. Hein. Alors là, pourquoi? Parce que ben c'est une des inspirations majeures du jeu, hein. Metroid avec les armures réplioïdes et tout ça. On est dans la pâle copie de Metroid, vraiment. C'est l'armure des Bugs, c'est vraiment celle de Samus Aran. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal du jeu aussi qui s'est écrit sur ces musiques-là. Et donc pour moi, ça me fait beaucoup penser à Sens. Donc quand je joue, j'aime bien être accompagné de ces musiques. Alors il y a celle de Brinstar qu'on vient d'entendre, qui est un voilà ici c'était un remix chopé sur Newgrounds Audio Portal. Vraiment je vous le conseille, ce petit portail, il y a vraiment toutes les musiques qu'on recherche. Il suffit juste de chercher un jeu vidéo ou enfin de faire une recherche par auteur. Et puis on tombe sur des remixes de cet auteur. Et ces remixes-là sont des musiques qu'on entend rarement ou que les joueurs n'auront pas eu l'habitude d'entendre dans d'autres films. Donc ça peut être vraiment pratique de s'en servir pour animer vos parties. Moi, en tout cas, je m'en sers beaucoup. C'est vraiment très, très, très pratique. Surtout sur des jeux vidéo qui sont assez méconnus. Là, il y a toujours un gars qui a fait le remix du jeu que vous cherchez. Donc c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Et puis là, bon bah, on voit dans cette musique-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une ambiance sourde. Ça colle parfaitement à faible dose et puis à un volume assez réduit, à une ambiance soit d'enquête, soit de visite d'un quartier un peu tristounet. Or, comme dans Sens Mort, on visite des fragments qui sont pas toujours très joyeux. C'est typiquement le genre de musique un peu pesante, un peu lourde, avec ce light. Enfin, ce rythme régulier qui vient frapper les oreilles du joueur, c'est propice aussi à l'endormissement, à l'hypnotisme, et donc du coup, pour le maître de jeu de Sens, c'est du pain béni. Là, c'est une vieille musique hein, que je vais vous faire écouter. Une musique, un remix d'une musique de Castlevania. C'est un jeu vidéo que j'aime beaucoup parce que je joue pas mal. Enfin, en fait, je suis un peu rétro gamer, on va dire. Donc, c'est un jeu vidéo que j'aime beaucoup, qui a bercé ma jeunesse. Cette ambiance un peu gothique que nous proposait Castlevania, c'est vraiment cher à mon cœur, même si bon la période romantique vue par les Japonais c'est un petit peu étrange. Moi j'aime bien le côté kitsch, j'aime bien le grand château, j'aime bien les chandeliers, j'aime bien tout ça, j'aime bien les musiques de Castlevania, et donc je les utilise régulièrement pour mes parties de Sens. Alors pas les musiques de Symphony of the Night qui sont les plus connues, celles-là je les utilise pas parce qu'elles sont d'abord pour moi elles sont trop connotées, pour moi c'est Symphony of the Night, j'arrive pas à jouer à Sens en écoutant ces musiques. Par contre, les musiques de Castlevania, je suis pas certain, j'aurais dû faire des recherches. J'ai pas d'iPhone, donc je peux pas utiliser Shazam, mais c'est un remix qu'on m'a offert une fois pour mon anniversaire. C'est un CD gravé, donc je sais pas du tout d'où vient le remix et je sais pas qui l'a composé, mais en tout cas, j'ai utilisé cette musique, mais alors de nombreuses fois dans mes scénars. Je vous laisse avec. À tout à l'heure. We'll be right back. Oh la vache, ça faisait une éternité que je n'avais pas écouté cette musique. Je vous jure, elle m'en fait encore des frissons. J'adore. Alors là, c'est pareil, on a vraiment tous les ingrédients du sens mort. Hein. On a le petit synthé qui fait un petit peu rétro. On a le chœur un peu monastique, là, cette espèce de moine imprimé au Festival du Saint-Jurleur de Pékin, qui chante derrière un petit peu. C'est encore une fois, ce côté initiatique, ce côté religieux, ce côté sacré, en fait, qu'on retrouve dans Sens Mort derrière un décor très space opéra, un peu rétro futuriste. Donc encore synthé, chœur monastique, c'est génial. Puis bon, bah l'aspect électro qui donne le ton d'un futurisme, c'est vraiment ça. Et là, on est en plein dans Sens Mort, une musique bien lourde aussi, bien pesante, avec aussi un rythme régulier qui vient frapper les joueurs et les hypnotiser. C'est vraiment des musiques parfaites, en parfaite adéquation avec l'univers de Sens Mort, comme sont les musiques généralement de Craig Armstrong. J'ai vraiment l'impression quand même que le MP3 fait beaucoup de mal aux musiques de Craig Armstrong et aux musiques électroniques en général. Là, je sais pas si vous avez entendu cette espèce de grésillement pendant toute la musique, moi je n'ai entendu que ça. En tout cas, cette musique de Craig Armstrong est vraiment pas mal, parce que c'est pareil, il y a le côté orageux, le côté lourd, le côté sombre. Il y a aussi la régularité encore des sons, et puis ce petit piano un petit peu jeté comme ça sur cette ambiance lourde, un petit peu à la Akira Yamaoka, le compositeur de Silent Hill que j'aime beaucoup et qui fait vraiment des musiques extraordinaires. Pareil, là. Bon, je les utilise rarement parce que je les trouve trop. Pour moi, c'est les musiques de Silent Hill, c'est Silent Hill. Donc, c'est difficile de jouer sur les musiques de Silent Hill parce que moi, ne me font penser qu'à Silent Hill. Donc, c'est pour ça qu'on. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je les utilise pas. D'ailleurs, tiens, tant que j'en suis à parler d'utiliser des musiques, je vous invite vraiment à écouter le. Puisqu'on parle de musique ensemble, à écouter le podcast qu'on a enregistré avec Masha Lobanova pour Play. Sur les musiques et la manière dont les rôlistes en général utilisent les musiques. Moi là, je vous fais un truc sur les musiques de Sens Mort en vous disant gentiment que je suis en train de les utiliser pour telle ou telle scène. Masha Lobanova dit que ça la choque que les rôlistes utilisent les musiques de cette manière-là. Et c'est vrai que depuis qu'elle m'en a parlé, j'ai tendance à utiliser les musiques un petit peu différemment, à essayer de mettre plus des sons, des ambiances de ville ou des ambiances de nature, plutôt qu'utiliser des musiques pour telle ou telle scène. De cette manière-là, en fait, en utilisant des ambiances de nature ou de ville, au moment où on se sert d'une musique pour illustrer un passage, à ce moment-là, en fait, la musique a beaucoup plus de poids et on a moins l'impression de s'en servir que, comment dire, de la mettre en valeur de manière à illustrer certaines idées ou certaines choses que l'on a envie d'exprimer. Parce que la musique permet d'exprimer, bien sûr, des choses qu'on ne peut pas exprimer à la voix. Donc, pour un maître de jeu, c'est non pas un outil, mais un autre média pour exprimer des choses. On peut aussi s'en servir comme ça. Et en tout cas, ce podcast avec Macha m'a fait réfléchir sur l'utilisation qu'on fait en général des musiques de jeux vidéo, des musiques de jeux vidéo, des musiques de jeux de rôle plutôt, enfin, de l'utilisation qu'on faisait de la musique dans le jeu de rôle. En général, c'est vrai qu'on utilise souvent des musiques de jeux vidéo. Mais voilà, quoi. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast. Il est très, très intéressant. Dans Sens Mort, il se passe aussi des choses un petit peu moins positives, et notamment pour le personnage de Solipsis à qui il va arriver des misères. Et donc, il fallait retrouver le thème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois sur les musiques de Sens Renaissance, je vous avais dit que le thème de Rena dans Star Ocean 2, c'était le thème que j'avais utilisé pour Solipsis. Et donc, sur OC Remix, j'ai trouvé un remix de Del Norte, enfin Del Norse, qui remixe ce thème de Rena de façon plus triste. Et donc, pour les misères qu'il arrive à ce pauvre personnage de Solipsis, c'était intéressant d'avoir de retrouver le thème de Rena utilisé dans Sens Renaissance, mais avec un remix un peu plus sombre. Je vous laisse l'écouter. Je me suis fait chier à installer tout mon matos de manière à pouvoir me la péter, genre on est à la radio, je monte le son, je vous parle en même temps qu'il y a la musique. Mais je m'aperçois que j'ai horreur de ça, j'ai horreur de parler sur des musiques, j'ai horreur des gens qui parlent sur des musiques. Donc j'ai absolument pas envie de vous faire subir ça, donc du coup j'utilise pas du tout ce que j'ai installé. C'est très lourd pour moi parce que du coup je dois monter les sons, les trucs, j'y connais rien du tout. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais un petit peu de mal au début. Bien sûr, hein, je voulais pas dire que c'était un remix plus sombre, je me suis trompé, c'est plus mélancolique, plus triste, le véritable mot qu'il faudrait employer pour ce remix du thème de Rena dans Star Ocean. C'est un thème qui colle quand même super bien au personnage de Solipsis dans Sens Mort. Autant Solipsis dans Sens Renaissance est un personnage qu'on aime détester, on va dire, parce que c'est un personnage qui nous cache beaucoup de choses, même si je comprends pas pourquoi les gens, en général les joueurs, n'apprécient pas ce personnage. Probablement parce que il fait de la rétention d'informations et ça ils n'aiment pas. En fait, c'est moins de la rétention d'informations que fait Solipsis que finalement de dire il est des choses qu'il vaut mieux ignorer. Il faut entendre par là, il est des choses qu'il vaut mieux apprendre par soi-même. Voilà, et je pense qu'elle a cette position de pédagogue qui ne plaît pas aux joueurs, aux joueurs de sens, parce qu'ils n'ont pas envie de, enfin, les joueurs de jeux de rôle ne sont pas là pour se prendre des leçons. Généralement, ils aiment bien s'éclater dans un univers, etc. Et donc, le petit côté professoral de Solipsis a peut-être tendance à les énerver un petit peu. En tout cas, c'est le personnage qu'on aime détester clairement dans Sens Renaissance et dans Sens Mort. Il va prendre une autre dimension, et donc il fallait trouver un thème pour ce personnage qui lui donne une dimension plus mélancolique, plus triste, plus héroïque aussi que sa première version. Donc voilà, je pense que ce petit remix de Del North qu'on peut trouver, hein, il est directement accessible sur oceromix.org, correspond parfaitement à l'esprit de Solipsis dans Sens Mort. Alors maintenant, on va parler d'un autre auteur de musique électronique, c'est Rob Dugan. Moi personnellement, j'ai découvert son CD totalement par hasard, je l'ai acheté au pif à la Fnac, et il se trouvait qu'à ce moment-là, j'étais en train d'écrire Sens Mort. Alors la première version de Sens Mort à l'époque s'appelait Sens Death, donc c'était à Rennes à l'époque, et on a beaucoup beaucoup joué sur les musiques de Rob Dugan, alors du coup il fallait vraiment lui rendre hommage. Et donc voilà, Rob Dugan. Alors forcément, ça s'utilise pas comme ça d'entrée de jeu. Avec, je m'aperçois que je vous propose pas la meilleure qualité de son aujourd'hui là, parce que j'entends mes musiques sont particulièrement saturées, au niveau, notamment au niveau des basses. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un réglage que j'ai dû chier. Ouais, je suis très chiant au niveau du son. Hein. J'essaye d'être le plus correct possible avec vous et avec vos oreilles, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet, des podcasts amateurs, des vidéos, et je trouve que le son, c'est vraiment un des aspects de toutes ces choses-là qui est vraiment négligé. Je veux dire, je trouve que même dans des trucs aussi connus que Malcolm fait des vidéos ou je sais pas quoi, le son est pas toujours excellent. Alors Malcolm fait des vidéos, ça va encore, mais enfin tous ces trucs un petit peu naissants sur Internet, je trouve que le son, c'est vraiment un des aspects les plus négligés. Alors sur un podcast, on peut pas passer à côté quand même. Si on néglige son son, on néglige son auditeur, et du coup c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu chiant sur le son. Je sais que Thomas a tendance à me chambrer pas mal là-dessus, mais bon, voilà. Alors quoi qu'il en soit, Rob Dugan, ça c'est vraiment, encore une fois, typique de ce que peut être Sens Mort, hein. Des complexes, des fragments métalliques, des villes à perte de vue. Donc on a de l'électro, on a encore une fois des rythmes réguliers liés à ces rythmes électroniques, mais aussi toujours cet orchestre symphonique derrière, ces violons, ces grandes envolées lyriques qui sont propres aussi à l'héroïsme qu'on recherche dans Sens. Et dans Sens Mort, la tonalité des violons colle bien aussi à la tragédie, à la tristesse qui est traversée par les personnages à ce moment-là. Donc là, je vous ai proposé la version chantée de Rob Dugan. Maintenant, il existe aussi un double CD ça c'était la version de Furious Angels sortie en 2001. Mais il y a un autre CD sorti un petit peu plus tard qui est un double CD dans lequel vous avez non seulement les versions chantées, mais aussi les versions orchestrées uniquement. Et donc ces versions-là, c'est celles qu'on utilisait. Parce que moi, j'ai acheté la version chantée, puis juste derrière, Thomas Fournier, qui était le joueur de Marius, a acheté directement le double CD. Donc du coup, on a utilisé ces CD pour, enfin ces musiques pour jouer à Sens Mort. C'est vraiment une musique extraordinaire. Pour Sens, c'est le top. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce bon DJ australien? Qu'est-ce qu'il devient? Alors aujourd'hui, il vit à Londres, mais pourquoi ne fait-il plus rien? Pourquoi ne produit-il plus rien après cet excellent CD? Est-ce qu'il considère qu'il avait tout dit dans ce CD? Et puis, je sais pas quoi. Pourquoi ne fait-il plus rien aujourd'hui? Pourquoi ne produit-il plus de musique? Je trouve ça vraiment bizarre, alors que vraiment ce Rob Dugan avait un talent quasiment équivalent, oui équivalent, enfin je sais pas si c'est comparable, mais pour moi c'était un autre Craig Armstrong. Donc quand on avait marre d'écouter les musiques de Craig Armstrong, on pouvait se retourner vers Rob Dugan et écouter un petit peu ses musiques. Là voilà, bah Rob Dugan, je sais pas, ne fait plus rien, je comprends pas vraiment. Donc si vous le connaissez personnellement, dites-le lui. Je sais qu'il y a des joueurs de Sens à Londres, en tout cas des lecteurs de Sens à Londres. Et je sais que Rob Dugan habite à Londres, alors essayez de le trouver et puis sortez-le du terrier et puis dites-lui de refaire des fucking musiques. Ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est dommage qu'il n'en fasse plus. À la prochaine musique, c'est une musique de Kai Gabler, le compositeur de World of Goo. On ne l'a pas utilisé dans les musiques de Sens Mort, mais moi par contre, je l'ai beaucoup utilisé au cours de l'écriture de Sens Mort. Pour l'anecdote, c'est cette musique, Best of Time, et la musique sur laquelle j'ai écrit tous les monologues des quadrillades morts. Donc c'était, vous allez voir que c'est la musique typique de l'exorcisme d'un quadrillade mort, c'est celle-ci. Pour moi c'est de la super musique. Kai Gabler, vraiment, avec World of Goo, il a marqué un grand, grand, grand coup, je trouve. Même si aujourd'hui, on a un petit peu oublié World of Goo, c'était déjà en 2008, ça fait déjà 4 ans. Ça reste pour moi un excellent jeu vidéo, où on prend des petites boules de goût et puis on essaye de faire des échafaudages pour ramener des boules de goût donc jusqu'à un tuyau magique. Il y a une poésie, il y a quelque chose et les musiques sont vraiment somptueuses. Bravo, bravo Kai Gabler. pour ceux qui ne le sauraient pas, Sens Mort, c'est un remake du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je sais que c'est un petit peu bizarre, mais effectivement, dans Sens Mort, on essaye d'explorer la problématique du Petit Prince Saint-Exupéry à travers des personnages que sont les quadrillades morts et qui remplacent finalement les adultes que rencontre le petit prince dans le livre d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc on va avoir le géographe, le graveur, je dis n'importe quoi, le graveur c'est dans Sens Renaissance, le géographe, l'aviateur, le businessman et tous ces personnages en fait qui sont les représentants d'une certaine partie de notre société de consommation que je n'aime pas beaucoup. Fabien Ilvine me disait que je faisais de la critique artiste dans Sens Mort, c'est-à-dire qu'en fait je critique la société de consommation par une œuvre d'art, donc c'est de la critique artiste. Quoi qu'il en soit, moi je sais pas ce que je fais ce que j'aime, et moi ce que j'aime c'est le Petit Prince Saint-Exupéry. Je trouve que ça renforce mon idée que finalement être adulte c'est retrouver le sérieux qu'on mettait dans ces jeux d'enfants, être adulte c'est comment dire donner de l'importance à ce à quoi on donnait de l'importance quand on était enfant et oublier un petit peu les jeux sociaux, les conventions et ce genre de choses, et puis revenir à des choses un peu plus essentielles, ce que vous aimez vraiment, des choses un peu plus authentiques, on dirait. Enfin voilà quoi. Moi je suis pas très loquace sur ce podcast. En fait je suis jamais loquace quand je suis tout seul. C'est toujours bizarre de parler tout seul dans son bureau, à un bout de papier, à un micro, à une table de mixage. Je veux dire que c'est quelque chose. Quoi qu'il en soit, dans cette musique de Kyle Gabler, on retrouve tous les ingrédients du Petit Prince finalement. Je sais pas si vous avez entendu ce petit rythme, cette espèce de petite boîte à musique, les chœurs. Hein, donc ça c'est plutôt quelque chose de sens morien, j'ai envie de dire. La montée, une espèce de montée en puissance qui là par contre correspond très très bien à la façon dont les quadrillades morts que les joueurs vont devoir exorciser au cours de Sens Mort vont se défendre et vont essayer de se battre jusqu'à la fin finalement où ils se laissent mourir. Les percussions qui marquent une intensité guerrière, donc en tout cas cette musique Best of Times de Kyle Gabler, c'est vraiment une musique qui m'a accompagné pendant la rédaction de Sens Mort. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser au cours d'un scénario. Je pense que ce serait très difficile parce que elle a des moments, elle est tantôt montante, tantôt très rythmée, ensuite un petit peu plus douce. Et comme en jeu de rôle, on ne sait pas exactement ce qui va se passer et quand ça va se passer parce que les joueurs sont très libres au niveau du rythme, eh bien c'est difficile d'utiliser ce genre de musique. Donc je pense que pour moi c'est surtout une musique qui m'a servi à écrire, mais je pense que je l'utiliserai pas au cours d'une partie. Je dis un scénario, mais il faudrait dire une partie, parce que scénario, c'est pour les films. Bon, ben déjà, on a bien fait le tour des musiques utilisées par les maîtres de jeu de Sens Mort. Enfin, en tout cas, que j'encourage les maîtres de jeu de Sens Mort à utiliser. Et puis, bon, ben voilà, vu que c'est vraiment le thème de Sens Mort, cette critique artiste, j'aime bien ce mot finalement, cette critique de notre société de consommation, vu que c'est vraiment le thème du jeu, pour l'illustrer, quoi de plus évident que Mad World de Gary Jules. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast qui sera où je serai moins seul, à vrai dire entouré de tout le monde, un podcast épique, promis depuis le début de cette saison, qui s'intitulera Solipsis versus Miphos. Ça va blaster. Allez, je vous laisse avec Gary Jules. À bientôt, salut. Drown my sorrow.